Page 91. Exercice 4. 1. Le journaliste a essayé de faire parler le diplomate, mais ce dernier n'a absolument pas dit un mot sur la teneur de la réunion. 2. Cet examen médical n'était pas du tout impressionnant, alors que Chloé pensait que ce serait long et très pénible. Elle en parlait à tout le monde depuis des semaines. 3. Il faut dire que ce petit garçon n'a pas peur de parler. Il répond avec une franchise qui frise l'insolence. 4. Cela fait 20 fois que le professeur demande à ses étudiants de vérifier le sens des mots dans le dictionnaire. Mais ils ne le font jamais. 5. C'est toujours la même chose avec Vincent. Il faut qu'il se mêle de la conversation et qu'il donne son opinion, même si on ne la lui demande pas. 6. Roland a durement critiqué sa hiérarchie. Il n'a pas été particulièrement diplomate. 7. Je voudrais vous donner mon opinion et je serai franc et direct.